Big up à soi un mandat dépôt. Qui rêve de faire une vendetta. Ça veut sortir du ghetto. Avoir les vues à David Guetta. XADV, AGV. Y'a des sous à faire à JV. T'as fait des crédits, t'as chiffré. Tu l'as insulté, elle t'a giflé. Ça va à la gratte, ça se fait courser. Y'a des gadiots qui se font crosser. Civil en jean, manche retroussée. Tu peux finir sous écroussé. Grosse connexion, ça neuf record. Dans les platines, tu neuf pas. J'ai pas changé, j'suis la rue. Comme lundi du 9-3. M'a fait des surprises. Si j'suis pas là, c'est que j'suis dans le match, j'fais des dingues. Si j'ai des balades, c'est que la vie m'a fait des surprises. Rien que pour rien, ça s'allume. Pour rien, ça finit auprès toi. Tu crois qu'on s'amuse? T'es max, on en dirait chez toi. Y'a des choses qu'on achète et des choses qu'on pétard. L'union fait la force, mais c'est chacun son pétard. Dans les blocs, des cadavres, dans la scène. Course poursuite en moto. Tout niqué pour une raclée. Les potos, ta famille va et vient en zombie. Plus de mandat, tu m'aiguilles. Faut faire bélec. Y'a des balles qui pleuvent pour quelques billets. À sa baigne, dans les platines. De Paris à Marseille, on veut tous briller. On est sous peu de Californie. M'a fait des surprises. Si j'suis pas là, c'est j'suis dans le match, j'fais des dingues. Si j'ai des balades, c'est que la vie m'a fait des surprises. Pour des gadgets, ça s'allume. Pour de la maille, ça s'allume. PGP, calage, ça va se finir en chasse à l'homme. Pour des gadgets, ça s'allume. Pour de la maille, ça s'allume. PGP, calage, ça finit en chasse à l'homme.